L'esprit de l'escalier de Raoul Ruiz. Adaptation Françoise Dumas. Première veillée. Y a-t-il une mort après la mort? Vous n'allez pas me croire. Cette blague est assez courante au royaume des ombres. Y a-t-il une vie après le cycle vital de tant de vie et de mort? Y a-t-il des maladies, des convalescences? Je vous l'ai déjà dit. Mais je me fatigue, madame. Ça existe, l'épuisement, même chez nous. On arrêtera la séance pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Roland ? Rien, je n'en pense rien. Et toi, Paul ? Raté. Je dirais que c'est raté, je ne le sens pas. Moi, je ne serai pas si tranchant. La médium fait ce qu'elle peut. À mon avis, elle en fait trop. Elle en rajoute. Cryptesthésie ? Tu peux appeler ça comme tu voudras, elle invente. Mais tout est vérifiable, les dates. Ça, les dates, c'est facile. Elle triche ? Nous trichons. Enfin, la prochaine fois ? Je crains qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Mais si. Mais oui, il y aura une suite. Vous m'appellerez et je viendrai. Ça fait un bout de temps que je ne bouge plus d'ici. Ici ? C'est quoi cet ici ? Mon entre-deux-moi trouve sa place sous l'escalier, dans ce lieu humide. C'est mon royaume, le temple des choses passées, des ombres, des souvenirs. Chaque fois que l'envie de revivre mon passé me prend, je m'y établis pour invoquer les ombres d'antan. Les souvenirs s'entremêlent, ils s'installent autour de moi, un peu à la manière d'un tableau vivant. N'est-il pas curieux que je n'ai jamais essayé, depuis cette vague mort qui fut la mienne, de me mettre au flamand, ma langue maternelle ? C'est comme ça. Dans cet au-delà tristounet, opaque qui est le mien, il n'y a plus que le français. C'est la langue d'outre-tombe. Voilà. Je suis là, moi. Moi, je veux dire, le Belge. Et je songe au temps jadis. Vous souvenez-vous, cher Arsène, mon très cher Arsène, vous souvenez-vous de la soirée mémorable au cours de laquelle nous avons fait connaissance? Oui, je me souviens de vous, cher Flanders. C'était votre vrai nom, pas vrai? Monsieur Flanders. Flanders, l'agatopède. Quoi de neuf, Flanders? Quelle nouvelle invention? Quelle bêtise inspirée par l'esprit belge vous hante en ce moment, dans cette nuit commune qui nous rend frères? Mais je ne vous reconnais plus, cher Arsène. Cette solennité, cette pompe. Je cherche ma voix. Je n'ai pas encore trouvé ma voix d'outre-tombe. Enfin, Arsène, mais réveillez-vous! Il est 11h du matin, nous sommes face à face au café de Valois, vous avez dû commander votre chocolat de rigueur avec une tartine au miel d'acacia, et vous exultez. Votre cher ami Nerval vient d'être libéré. Il a été déclaré saint d'esprit par ceux d'en haut. Il peut faire son apparition d'un moment à l'autre. Vous ne souriez plus? On dirait que ça vous gêne. Non, le Belge, non, je suis ravi. Seulement voilà... J'éprouve aussi une sorte de tout petit chagrin qui se mêle de manière curieuse, il faut le dire, à l'allégresse que la libération de notre Gérard provoque naturellement en nous. Mmh. Et tout ça me donne une réjouissance de mauvais aloi, vous me suivez? Mais racontez, mon ami, dites-moi, et vos amis, les agatopèdes? Bon, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Il faut dire que je voyage beaucoup. Beaucoup en ce moment. La Belgique, vous voyez? Et la Belgique, pas assez loin. Et puis, hein, bon, les agatopèdes, ça n'a jamais vraiment été ma cup of tea. Ah bon? Mais comment ça? On m'a dit que vous aviez un nouveau projet. Les mémoires d'outre-tombe? Oh, c'est vieux, ça. On m'a dit aussi que vous aviez contacté une tripotée de spirites. il ferait semblant de vous convoquer et pour rendre la chose vraisemblable, vous vous seriez trafiqué un enterrement de première classe à Gand. Ou bien je me trompe? On dit tellement de choses. On m'a assuré que vous étiez dans le cercueil, comme qui dirait « corpore presenti ». Admettons, j'ai toujours aimé les cercueils. À une époque, je ne ratais aucun enterrement. Les funérailles, c'était mon truc. Oui, admettons. Et alors? Ben, ça ne veut pas dire que toute cette histoire soit vraie, n'est-ce pas? Ça veut au moins dire que tout ça est dans l'esprit de vos amis agathopèdes. De leur poétique, pour ainsi dire. Mais vous parlez des agathopèdes comme si cela existait. Comme si c'était une secte ou un parti politique. Un club? Et qui plus est, de faiseurs de canulars? Vous saviez que nous ne nous sommes jamais réunis? Il n'y a jamais eu d'assemblée générale? On vous a vu! Mais qu'est-ce que ça prouve? Le hasard, ça existe? Je n'ai jamais vu, ni de près, ni de loin, un seul agathopède. Ou plutôt si. Il y a bien un groupe d'amis, des blagueurs, quelques Anglais, des Italiens et même un Sud-Américain. Et que fait donc un blagueur? Ben, des blagues, voilà tout. Alors, il y en eut une. Quelqu'un a commencé à parler d'un livre inexistant. Les turpitudes du prophète. On en a parlé. Et à force de revenir chaque soirée sur ces fameuses turpitudes, on a fini par croire qu'on les avait lues. Et que pouvait-on bien faire de ce livre une fois qu'on l'avait tous lu? On l'a écrit. Voilà. Et quel était le sujet du livre? Eh bien, moi, tout simplement, l'enterré vivant. En ce moment même, je me vois entouré d'hommes en noir. Le cimetière avait été bien mal choisi, c'est vrai. Ni témoins, ni visiteurs. Ou plutôt des témoins indifférents. Et pourtant, j'étais là, dans le cercueil. J'y étais et j'ai tout fait. Je revois la scène. Faut-il préciser que la blague a mal tourné? Qu'on m'a trouvé mort quand on a rouvert le cercueil? Mort? Étouffé. Soudain, tout le monde se tait. Gérard de Nerval vient de faire son apparition. On fait mine de ne pas le remarquer. Comme toujours, il sourit, accablé de ce sourire triste qui vous tient à distance. Mais c'est vous, Gérard! Je ne vous avais pas reconnu. Vous avez maigri. Moi? Non. C'est l'autre qui prend tout. Oh, cher Gérard, il n'a pas changé. Toujours d'attaque. Il s'assoit à sa table habituelle. Je m'approche. Il me regarde sans cesser de sourire. Il me serre la main. Et voilà qu'il me glisse, dans ma propre main, une boulette de papier crasseux, macéré, qu'il avait dû mâcher et trimballer ensuite dans sa poche pendant des jours. C'est pour vous. Cet œuf, je vous le dis en confidence... Cet œuf est sur le point d'accoucher d'un oiseau rare. Rara avis. Pas tout à fait un oiseau, cependant. Je dirais plutôt un porc-épic. Minuscule, mais orné d'ailes à vous briser le cœur. Je vois, Gérard. Et je vous suis très reconnaissant de m'avoir confié cette mission. J'entends la mener à bonne fin. Sur quoi il s'en va sans dire adieu? Et je reste là, avec dans la main mon œuf gras. L'œuf palpite. Cet œuf est vivant. À ce moment-là, je me rends compte que tous les paroissiens du café de Valois sont en train de m'observer. Un garçon à tablier blanc s'approche. Il ne fallait pas rire, monsieur. Mais je n'ai pas ri. Un petit sourire tout de même, il ne fallait pas. Mais enfin, Gaston, je sais très bien que Gérard parlait sérieusement. Un petit sourire tout de même, il s'est vexé. Mais vous rêvez, Gaston! Je n'insiste pas, mais tout de même, il n'aurait pas fallu! J'admets qu'un sourire ait pu m'échapper. Mais je ne me moquais pas de lui, pas du tout! C'est vrai, Gaston, vous cherchez trop à voir le beau rôle. Non. Alors là, je vous arrête! Non, allons, allons, chers amis! Du calme! Gérard ressurgit, attrape 3 ou 4 tasses à café et les lance dans le fond de la salle. Les agathopèdes, membres de la Société Pantechnique et Palingénésique des Agathopèdes. Fondée à Bruxelles le 24 septembre 1846, cette société d'agrément a compté dans ses rangs Félicien Rops, Charles de Coster, Michel de Gelderode et même Alexandre Dumas en tant que membre étranger. Le canular, l'établissement de Faux, comptait au nombre des agréments auxquels elle s'adonnait. Il n'est pas interdit d'y voir une ébauche du collège de pataphysique. Deuxième veillée. Esprit, es-tu là? Je suis là, mais je m'abstiens. Esprit, es-tu là? Es-tu là? Le Ouija est prêt. Tout est prêt. Nom et prénom? Flanders Carl Auguste, dit le Belge. Date de naissance? Le 18 septembre 1810, à Gand. Métier? Agathopède. C'est quoi? C'est un métier comme un autre. On peut gagner sa vie avec? Ah oui, on peut. Expliquez-vous? Ça ne s'explique pas. Que faites-vous précisément? Nous fabriquons des plaisanteries. Des plaisanteries à long terme. Une plaisanterie, c'est comme une bombe à retardement. Ça a besoin de temps. Combien de temps? Parfois 100 ans. Cela veut-il dire que certaines de ces bombes n'ont pas encore explosé? Il y en a une qui explose en ce moment même. Expliquez-vous. Non, ça m'amuse pas. On arrête la séance. Je rejoins mon réduit sous l'escalier. L'humidité ne réussit pas à ma grisaille de corps. J'ai mal à la jambe. Et cette douleur est en train de se décaler péniblement vers une des marches de l'escalier, d'où j'ai l'honneur de vous dire ces quelques mots d'outre-tombe. C'est bien ce brave gamin, celui qui prétend qu'on peut prendre les fantômes en photo. Mais au-delà de quelle tombe, au fait, il faut vous dire, on m'a précipité dans la fosse commune. Là-bas siège mon corps d'autrefois. Et moi, esprit, je me fais une joie de le visiter de temps à autre. Je lui rends visite tous les vendredis, avant mes séances photos. Oui, celles-ci font partie de mes activités, disons, spirituelles. Alors, entendre mes spirites parler d'un photographe, ça me fait rigoler. Je sais très bien ce qu'une séance photo signifie en réalité. Théodule d'Antibes fait des photos d'outre-tombe, c'est exact. Elles sont même très réussies. Il sait s'y prendre avec ses figures qui frémissent dans le brouillard. Lors de ma dernière séance, il n'était pas seul. Il y avait quelqu'un, Louis Farigoul, un spécialiste de la vision rétinienne et de bien d'autres choses bizarres. Enfin, un sujet à l'œil trop perçant qui a failli faire rater l'opération. C'est comme ça que Théodule appelle nos séances. Pour lui, il s'agit d'opérations. Comme on le dit, des interventions chirurgicales. Il est là. Oui. Oui. Moi, l'esprit, j'assiste à la scène. Théodule met en place son système. Farigoul se couvre la tête avec une sorte de masque ou de boîte à chaussures. Il est torse nu. Je suis prêt. Farigoul me regarde, je le sens. Il me regarde avec les yeux innombrables de sa poitrine. Je suis prêt. Un peu de patience. Rien n'est facile avec ces sortes de choses. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle tout ça l'au-delà. Ce n'est pas l'au-delà qui m'intéresse, voyons. C'est ce qui va se passer ici. Théodule ne répond pas. Il prépare ses instruments. Une boîte hermétique à l'intérieur de laquelle une bonne vingtaine de miroirs, dont il a réglé au millimètre les mécanismes, font entendre un bruit d'horloge. J'y suis presque. Ah, tirez les rideaux. La pénombre est à nous. La pénombre, pas n'importe laquelle. Cette pénombre-là qui lui sert d'éclairage. Je vois quelque chose. Comme... je ne sais pas. Oh. Une tempête de sable. On n'en est pas loin. Voilà. Le fameux tourbillon. On y est. Prenez une pause, mon ami. Allez-y. Que tout ceci est donc pénible. Voilà la grande découverte de Théodule. Il faut que les fantômes prennent des pauses. Sans quoi, pas d'image. Ah non, pas ça. Il faut simuler le repos. Reposez-vous d'abord, et ensuite représentez-nous ce repos. Le repos, ça n'existe pas. La fatigue, oui. Le mal aux jambes, la nausée, tout ce que vous voudrez, mais le repos... Allons, mon cher, il faut s'y faire. Ça n'a jamais été facile. Oh, aujourd'hui, tu me déçois, Flanders. Il ajoute un rideau noir. Et un autre. Puis un autre encore. La pénombre se fait aveuglante. Et... tout à coup, je sens que mon corps me revient. Je peux sentir mes deux jambes. Ma tête s'accommode d'une pesanteur qui m'étonne. Mes bras s'agitent. Je suis là, avec tout mon corps. Je fais mon entrée dans le monde des mourants. La chambre baigne dans un flou argenté. Le fond de la chambre s'éclaire et s'obscurcit d'une manière illogique. Tout est agatisé. C'est parfait. Là, je te vois. Je te reconnais, mon vieux. Soudain, quelque chose se passe. Je ne vois ni par les yeux de Théodule, ni par la poitrine de Farigoule. Je vois. C'est tout. Mon regard glisse sans cesse. Il nage. Mon œil est un poisson qui nage. Je vois comme autrefois, comme je n'ai jamais vu auparavant. Je le vois. Il est là. Oui. Je suis là. Je suis entouré de choses vécues autrefois. Je suis chez Deveria, ce brave gène. Il s'active à parachever son chef-d'œuvre, la naissance d'Henri IV. Nous sommes donc en 1827. J'ai alors 17 ans. Je viens d'arriver. Eh oh! Vous allez arrêter vos expériences? Ça coule! Comment ça, ça coule? Ça dégouline! Le plafond est fichu! Me voilà seul. Pas tout à fait. Il y a les autres. Une foule de revenants à moitié visibles. Ce sont les modèles de Théodule. Ils sont tous habillés. Je dis bien habillés comme on l'est pour se rendre à une soirée. Pauvre Théodule, il est né trop tôt. Aujourd'hui, il ferait sensation. La presse l'a proclamé ce matin. Théodule d'Antibes va bientôt nous dévoiler les images de ses voyages dans le 7e continent. Ce sera l'exposition du siècle, l'antiboscope, la dernière invention de Monsieur d'Antibes. Il paraît qu'on y voit la vérité de l'après-mort. De l'après-mort? De l'au-delà, vous voulez dire? Il a réussi à faire voir les morts. Il y a de quoi être ému, en effet. Cela ne tient pas seulement à la présence des morts, on en a vu d'autres. Mais ces morts-là, ils sont vivants. Peut-être qu'en ce moment même, ils sont ici, parmi nous. C'est la mort rendue au présent. Leur regard, il vous perce à vif. Troisième veillée. Comme je vous l'ai annoncé ce soir, il y a un photographe parmi nous. Nous espérons que ça ne va pas trop vous gêner. J'ai l'habitude. Ah bon? Comment ça? À votre époque, il n'y avait pourtant pas de photographe. Dans les années 40, c'était très à la mode. Ah oui, le daguerréotype. Aujourd'hui, on a développé de nouvelles techniques. Nous avons la possibilité de vous atteindre. J'ai l'habitude. En attendant, parlez-nous de votre enfance. Mon enfance, c'est l'avenir. Pourquoi l'avenir? Parce qu'elle n'a pas encore eu lieu. Mais enfin, une image. Une image de votre enfance. Un cerf-volant. Voilà, c'est déjà ça. Mais ça n'a pas encore eu lieu. Il interviendra dans quelques semaines. Je ne vous suis plus. L'enfance, vous savez, l'enfance ici-bas, elle est éparpillée, comme tout d'ailleurs. L'enfance est une mosaïque. Ce n'est qu'un caprice, elle tourbillonne. Un cerf-volant par-ci, une course folle par-là, de la poussière, encore de la poussière, et puis tout d'un coup, une horloge qui ronronne. Et une chevauchée, sans oublier bien entendu la maison visitée. La maison visitée? On en a beaucoup parlé et on en reparlera. C'était simplement une maison déshabitée, une espèce d'hôtel servant de refuge aux fantômes pèlerins. Vous le savez, n'est-ce pas? Comme les oiseaux migrateurs, les fantômes voyagent. Cela dit, même dans la grisaille, tout est bien réglé. Dans ce crépuscule accablant se faufilent des sortes de chemins préétablis qu'on est forcé de suivre. Et c'est ainsi que nous tournons en rond. Enfin, eux, c'est-à-dire les autres. Moi, j'ai trouvé mon domicile sous l'escalier. Et cette maison visitée, elle appartient à votre enfance? Oui, à mon enfance d'autrefois. Je la vois dévorée par le sable. Où ça? À Ostende, avec ma famille. Parlez-nous de votre famille. Je me retrouve ailleurs, à 1000 kilomètres de là, sur une plage. Tiens, Ostende. Je vois ma grand-mère, mon oncle Julius. Il regarde un coquillage venu d'ailleurs. C'est du jamais vu. Ça me dit quelque chose. La maison visitée est là. Je dirais plutôt la maison ambulante. Et oui, les membres de ma famille avaient ce côté gitan. Ils avaient conçu une maison transportable. Quand le caprice nous en prenait, nous y mettions des roues et nous nous en allions voir plus clair ailleurs. En somme, la maison visitée était aussi une maison en visite. Oncle Julius prétendait que cette manière de construire les maisons était venue d'au-delà de la mer. Un bateau aurait fait naufrage en face d'Ostende. Les survivants se seraient installés dans les parages. Ils auraient construit plusieurs maisons transportables. Oncle Julius avait contracté la rage en se faisant mordre par un chien. Il aurait dû mourir, mais il s'en est sorti tout seul. Après ce qu'il appela son combat avec l'ange, il chantonnait et communiquait, à ce qu'on dit, une réjouissance ténébreuse. C'est ma grand-mère qui m'a raconté tout ça. Ton oncle n'était pas seul, il était entouré. Il avait fait le pacte, pas de doute là-dessus. Il avait signé. Tu sais à quoi l'on reconnaît celui qui a signé? Non. Eh bien, il faut regarder son index. On y voit toujours poindre une toute petite goutte de sang, à peine visible. Ton oncle se suçait l'index jour et nuit, et il marmottait des mots venus de loin, d'outre-mer. Les Benadanti le reconnaissaient comme un des leurs. Ton oncle, il l'appelait frère. Il lui faisait aussi des cadeaux, un cadeau en particulier. Oui. Une poule noire que ton oncle égorgeait à minuit, toujours à minuit. Il était entouré, c'est sûr, il y avait autour de lui une foule d'ombres. Ça se voyait la nuit, tu sais, quand on grille les châtaignes dans la cheminée. Oui. Tu vois? Et bien sur le mur, on pouvait souvent voir des ombres qui venaient de nulle part. Des ombres visiteuses. Elle causait, la grand-mère. Et le plus curieux, c'est que l'oncle, le vieil oncle, écoutait tous ses commérages, tranquillement, en se suçant l'index. Il écoutait tout et il souriait. Il examinait un coquillage avec une loupe marine. Un soir, il m'a dit « Approche-toi, petit. Viens. Regarde. » Et il m'a montré la chose. J'ai vu une danse. J'ai entendu des hurlements qui m'ont bouleversé. On n'y voyait pas grand-chose. Une île lointaine, des oiseaux qui ricanaient à vous glacer le sang. Et il dit encore. « Tu as vu? Tu as entendu? Maintenant, regarde le mur. » Et j'ai vu les ombres dont parlait la grand-mère. Les ombres venues de nulle part. Quatrième veillée. Arrêtons, arrêtons. Madame la médium ne sent pas bien. Oui, on arrête la séance. Ce n'était pas un malaise qu'elle avait. C'était moi. pendant que j'évoquais les avatars de mon enfance, j'ai réussi à m'infiltrer. Il faut dire qu'elle avait la bouche ouverte. Je me suis glissé dedans et voilà. Je suis à l'intérieur d'elle. Et elle a des vertiges. On l'aide à descendre l'escalier. Elle y va doucement. Avec moi en son dedans. Ils sont partis. Et je sais que tu es là. À l'intérieur de moi. Oui, madame. Je suis là. Que veux-tu ? J'ai besoin de vos yeux. Vous le savez bien, nous, esprits, nous ne pouvons pas voir, pas vraiment, nous pouvons évoquer. Ça, oui, les images, ces ombres éclairées par derrière nous entourent, ça, oui. Mais voir, ça, non. Nous sommes privés de ce sentiment d'actualité qui, finalement, est indispensable lorsqu'on voit. Et ça vous fait plaisir de voir ? Plaisir ? Mais plus que ça, ça me ravit. Cette actualité qui vous prend par les cheveux, façon de parler, c'est ravissant. Et quoi d'autre ? Pas grand-chose. Je veux rester avec vous. Pour combien de temps ? Difficile à dire. Je suis dedans et c'est un vrai miracle. Quand il faudra sortir, il nous faudra un autre miracle. Mon Dieu, et ça peut durer longtemps ? Ne craignez rien. Ici, dans le monde des ombres, rien ne dure. On peut appeler ça un paradoxe, non ? En principe, c'est la vie éternelle. Eh bien non, pas du tout. Pour le moment, je suis en vous, profitons-en. Je commence à avoir faim. Eh bien tant mieux, moi aussi j'ai faim. Ça, c'est la meilleure. Je sais. Mais je me suis glissé en vous, je vous habite et je ne peux m'empêcher d'être un peu vous-même. Je veux dire, je ressens ce que vous ressentez. Mais comme en écho. C'est vrai. Allons manger. Et voilà, madame, un cassoulet toulousain et un pichet de vin rouge. Merci. Vous n'allez pas me dire que vous êtes capable de manger ? Par médium interposé, si, madame. Par médium interposé, je mange. Et quand il n'y a pas de médium dans les parages ? Je jeûne. Mais on peut toujours se débrouiller pour attraper un médium en train de flâner, bouche ouverte, l'esprit ailleurs. En ce moment, vous dégustez. Oui, madame. Et le vin ? Oh, le vin ! Je n'y comprends rien, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans votre monde ? On peut tout faire, madame, mais autrement. Par médium interposé. Il faut qu'il soit consentant. Et vous pouvez sentir les odeurs. Moi aussi. Et le sexe. Un genre. Avec le... ou la médium. Je préfère les dames. Oui. Tiens donc. Il ne faut pas trop le dire. Ça pourrait prêter à de mauvaises interprétations. Les gens se vexent si facilement de nos jours. Fromage. Oui, oui. Un peu de crottin. Il est bien dur. Assez. Et un peu de bleu. Il a l'air bien. Bien, madame. Je mange rarement du fromage, mais en ce moment... Vous appréciez. Vous avez l'air soucieuse. Non, non, ça n'est pas ça. Je songeais à ce que vous venez de dire. Le sexe ? Oui. Je n'arrive pas à imaginer comment ça peut se passer. Vous voulez tenter l'expérience? Moi? Ah oui. Ici même. Non, non, pas ici. Ce serait un peu obscène, non? Oh, pas forcément. Personne ne remarquera rien. On y va? Où? Nulle part. Ne bougez plus, concentrez-vous. Sur quoi? Sur quoi je dois me concentrer? Sur moi. Vous avez vu mon portrait, n'est-ce pas? Oui, oui, ça fait 2 semaines. Et je vous ai plu? Vous êtes plutôt bel homme. On le disait à l'époque. Ah! Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Les gens vous en apercevoir. On nous regarde. Oh, madame Ophidine, oui! Je ressens tout. Ah, oui! Oui! Madame? Madame, ça va? Oui, oui, oui! Madame, tu ne te sens pas bien, il faut appeler une ambulance. Non, non, non, non, non, non, non, c'est inutile. Oui! Oui! J'aime! Et vous? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ça va mieux? Vous avez peur pour vous, madame? Ça vous arrive souvent? J'aimerais bien. Non, non, non, non. C'est la première fois. La nuit est resplendissante. Je vais rentrer chez moi. Vous m'emmenez? Je me sens un peu fatiguée. Comment peut-on être fatiguée après la mort? Ça me dépasse. On dit bien le repos éternel, non? Voilà, c'est là. Vous voulez monter? Oui. Je veux voir où vous habitez. À propos, vous êtes mariée? Oui, figurez-vous, je suis mariée. Mais mon mari est absent. D'ailleurs, il est tout le temps absent. C'est pour ça que je vous suis très reconnaissante. Il règne un ordre méticuleux chez vous. Tout est à sa place. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez trouver votre place. Oh, et votre mari? Il ne croit pas aux fantômes, il est terre à terre. Je comprends. L'idée pourrait me tenter, chère madame, je vous avoue, mais je suis un spectre, un vagabond, un errant. Un petit cognac. On l'a bien mérité, non? Oh, pourquoi pas? Et j'ai un petit coup de barre. Mais finalement, ça fatigue tout ça. Vous êtes lourd à porter, cher ami. Mais je crois que je pourrais vous supporter des journées entières. Et qui sait, toute une vie. Il est temps que je m'en aille. Dans ma condition, l'amour conjugal est quelque chose de difficile à concevoir. Chère madame, ayez l'obligeance d'entrouvrir votre jolie bouche. Vous partez déjà? Oui, il le faut. À ce que je vois, les hommes ne changent pas tellement, même dans l'au-delà. Il faut que je poursuive ma vie errante. Vous auriez préféré que je reste? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Et j'ai bien aimé votre évocation des années d'enfance. Mon enfance à venir? Pourquoi dites-vous tout le temps « à venir » ? Parce que mon enfance n'a jamais vraiment eu lieu. Pas comme ça. Je n'arrive pas à revoir tous ces instants, ces éclairs d'enfance, sans les placer dans une espèce d'avenir, l'enfance au futur. Tout ce qui est arrivé arrivera à nouveau. Je ne comprends pas très bien. L'évocation, la simple évocation, ne peut que projeter mon enfance dans l'avenir. Vous savez, là-bas, dans le Paris d'autrefois, je me promenais un jour pas loin d'ici avec un vieux peintre. Je lui ai dit, de toute façon, la seule chose qu'on sache, c'est qu'on est, qu'on vit et qu'on meurt. Il m'a regardé avec ses yeux d'enfant et a répondu, oui, peut-être, mais pas forcément dans cet ordre-là. À l'époque, je n'ai pas compris. À présent, je commence à comprendre. Mon enfance à venir, elle arrive déjà. Je me vois chez mon père. Il habitait un manoir. On pouvait y accéder par deux chemins qui semblaient s'éloigner l'un de l'autre et menaient pourtant à la même porte. Une fine bruine tombait sur l'escalier du perron. J'ai frappé. La gouvernante m'a ouvert. Elle m'a regardé de la tête aux pieds et a souri. Nous vous attendions pour demain, mais puisque vous êtes là, je suis Miss Aubergine. Votre père est parti en excursion, mais il ne devrait pas tarder. Entrez, ces demoiselles prennent leur leçon de piano. Elle me laissa seule dans un petit salon. Il pleuvait des cordes. Sur la cheminée se trouvaient deux portraits de mon père. Pourquoi deux ? L'un, sévère, regardait au loin. L'autre, vous regardait dans les yeux. Vous poursuivait. Que vous soyez près ou loin, à droite ou à gauche, il vous perçait de ses yeux extravagants. J'avais déjà vu ça une fois à Ostende. Mais c'était alors l'ange exterminateur. Ça, on pouvait l'accepter. Mais mon père... Il a bientôt cessé de me poursuivre. Je tombais dans une profonde tristesse. J'ai dû m'endormir. Un éclat de rire m'a fait bondir. Mes sœurs étaient là, en face de moi. Bonjour. Qu'est-ce qu'il est mignon. Il est beaucoup mieux sur le portrait qu'on nous a envoyé. Je ne savais pas trop quoi dire. Heureusement, mon père est arrivé. Papa arrive, je le savais. Bonsoir, papa. Mon père n'avait pas l'air commode. Il rentrait de la chasse avec trois tourterelles. Il me fixait du regard. Approche, que je puisse te voir. Alors comme ça, c'est toi. J'ai grandi. Viens donc, sois pas timide. Il est très timide. Il nous a même pas embrassés. Pourtant, nous sommes ses propres sœurs ou je me trompe? Silence, ici c'est moi qui parle. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? Allez-vous coucher? Je vous punirai plus tard. Mesdemoiselles, venez avec moi. Bon, tu as vu tes sœurs, tu sais à quoi t'en tenir. Elles sont folles comme leur mère. Et vous? Moi? Hein? Tu me demandes si je suis fou? Oui et non, ça dépend de ce que tu appelles moi. Il y a moi et moi. Ça, je le sais. Elles t'ont expliqué? Ou ta mère, peut-être? Non, ma mère n'a pas été très explicite. Elle m'a raconté que vous aviez changé de métier. Avant d'être horloger, vous étiez pharmacien. Vous avez préparé une drogue qui vous a fait tourner la tête. Oui, on peut dire ça. C'est un bon résumé de la chose. Faux, pourtant. Hein? Mais pas complètement faux. Quand j'avais ton âge, j'ai rencontré un médecin à Paris, un homme extraordinaire. Il s'est servi de moi, il faut bien le reconnaître. Il m'a fait goûter des choses. Il m'a transformé, voilà. C'est tout. Et donc, désormais, vous êtes un autre. Parfois. Ça ne dure pas longtemps. J'avais compris l'essentiel. D'un coup, le sourire de mon père me tomba dessus comme une pierre tombale. Il avait un sourire violent. À la fois impertinent et sanctifiant, comme qui dirait une bénédiction maudite. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Rien. Je suis là, je veux dire, ici, un point c'est tout. Tu comptes rester? Disons 2 semaines. Le sourire ne bougeait pas. Ce sourire avait un effet addictif. On en voulait encore, encore et encore. On dit parfois qu'à Anvers, on trouve dans le quartier du port des bijoutiers juifs ayant ce sourire-là, le sourire mordant, on les dit aussi capables d'évaluer le prix d'un diamant d'un coup de ce sourire. Mon père souriait comme ça. Il évaluait l'interlocuteur. J'aimais mon père. Cinquième veillée. Tout le monde est là ? Marmande s'excuse, il a un empêchement. Attendons 10 minutes. On pourrait en profiter pour faire un tour d'horizon. Moi, je trouve ça passionnant, mais je continue à croire en la cryptesthésie. La tricherie sublime. C'est évident. Ces confessions sont truffées de toutes sortes d'éléments contemporains. Cette histoire du père, sans aller plus loin, c'est du Dr Jekyll et Mr Hyde. Non ? Quand est-ce qu'il parle de ça ? Dans la dernière séance. Mais vous la connaissez, cette histoire ? Docteur Jekyll, la drogue, le pharmacien. Oui, je me rappelle, mais sauf que je ne la trouve pas. Tout le monde se souvient de l'histoire du père. Qui ne l'a pas entendu ? Le père ? Ça ne me dit rien. On va revoir ça. En tout cas, je serais bien incapable de la reproduire mot pour mot devant vous. Je croyais que nous avions un document écrit. Pas de document écrit. Comment se fait-il que nous la connaissions ? Par quels moyens ? Télépathie, peut-être ? Science infuse ? Et vous, madame la médium, vous vous souvenez de cette histoire du père ? Je me souviens de tout. Ah non ? Comment ça ? Il me l'a raconté. Il vous l'a raconté ? Où ça ? Mais vous vous souvenez de la dernière séance ? Oui, vous avez eu un malaise. Exact, et je suis partie, et il est parti avec moi. Avec vous ? Comment ça ? Il a pris possession de mon corps et il est parti avec moi. Alors il m'a parlé. Et comment a-t-il pu vous parler sans le Ouija ? C'est délicat à expliquer. Disons que nous pouvions communiquer directement. Je ne pouvais pas lire ses pensées, non, et lui ne pouvait pas non plus lire les miennes. Je m'en doute. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Je ne peux pas tout vous dire, mais plein de choses. Par exemple ? On a dîné ensemble. On a mangé un cassoulet, assez réussi d'ailleurs. Et puis ? Il m'a raconté son enfance, enfin, cette partie dont il est question. L'histoire du père. Et comment se fait-il que nous ayons presque tous pris connaissance de la même histoire ? Mystère ! Ah non, madame la médium, pas ça. Si vous dites ça, nos ennemis vont crier victoire. Ici, pas de mystère. Ici, on raisonne. Bien. Raisonnons. Voyons, il est resté longtemps avec vous ? Quelques heures. Il est parti quand je me suis endormie. Quand il vous a quitté, vous étiez au lit ? Eh oh, ça veut dire quoi toutes ces questions ? Nous ne sommes pas au tribunal. Je vous prie de m'excuser, mais il faut bien avouer que la chose est assez étrange. Alors, justement, il vient de pénétrer. Vous dites ça comme ça ? Pénétrer ? Il n'y a pas d'autre mot. Je le sens en moi. Dans ce cas, commençons la séance. Non, pas de Ouija ce soir, je vous l'ai déjà dit. Le sujet est en moi. Esprit, es-tu prêt ? Je suis là. On peut commencer ? Allons-y. Dites-nous, ce que vous êtes en train de raconter, vous l'avez vraiment vécu ou bien vous inventez ? J'invente. Tout ? Tout. Puis-je vous demander à quoi rime toute cette comédie ? Ce n'est pas une comédie. C'est un devoir. Ça fait partie de nos devoirs. Ah bon ? Il y a des devoirs chez vous ? Je vais à l'école des ténèbres. C'est là qu'on nous apprend à nous habituer au monde des ombres. Il y a des professeurs et tout le reste ? Nous apprenons par déduction et par la musique. Dans cette école de nuit, nous nous faisons à l'idée que tout est musique. Musique des ténèbres. Par intuition, nous savons que la survie de notre monde et de nous-mêmes dépend de l'apprentissage de cette musique. Alors, on nous donne des exercices. Le plus difficile est celui-ci. Se trouver tout d'abord un groupe de gens de bonne volonté qui veuille bien entendre nos rêveries. Alors, tout est faux? Non, pas encore. À la longue, tout deviendra faux, je veux dire inventé. Je suis bien en train de raconter mon histoire, à ceci près que, dans cette histoire, je glisse d'un personnage à l'autre. Un verre d'eau, vite! Arrêtons pour aujourd'hui! Je n'en peux plus! Bien, on arrête, mais le trouble est semé. Quel trouble! Nous avons un sujet qui aime rigoler, c'est tout! Il est dedans? Il est là, oui. Il bouge. Comme un bébé? Oui. C'est un peu comme être enceinte. Et maintenant? Je sais plus. Il y a quelque chose qui te gêne? Je te sens mal à l'aise. Je suis fâchée. Avec moi? Avec qui sinon? Allons chez toi. Pas aujourd'hui. Mon mari est de retour. Et pourquoi es-tu fâchée? Parce que tu as fait l'idiot. J'ai fait l'idiot, c'est vrai, mais dans ce monde-ci, rien ne rime à rien. Ce qui est idiot, c'est de croire que tout a un sens. Enfin, tu sais bien ce que les gens cherchent. Ils veulent un signe, un soupçon de transcendance. Et toi, tu nous tombes dessus avec ton histoire d'école où les âmes en peine apprennent la musique des grincements et l'harmonie des chaînes, les mélodies des fous rires ténébreux. À mon avis, tu as trop lu de romans anglais lorsque tu étais vivant. Tu peux troubler les autres, mais pas moi, mon très cher Flanders. Mais cette école, je ne l'ai pas inventée. Quand nous avons descendu l'escalier tout à l'heure, il y avait là une petite foule de gens de l'ombre. Tu ne pouvais pas les voir, mais moi je les ai aperçus, frôlés. J'ai dû supporter leurs blagues. Elles ne sont pas du meilleur goût. Ils se moquaient? Oui, madame, ils se moquaient de nous. Et au fond, ils ont raison. Nous faisons un drôle de couple. Je sais. Alors... cette école, elle existe? Elle existera. Ici, le temps, ou ce qu'on entend par temps, est élastique. Tout se passe en même temps, en bloc. Et puis, il y a une sorte de déclenchement. Ce sont comme des boules d'événements en bloc, tu vois? Tu me fais rire. Je sais, là-haut, chez vous, on ne rigole pas tout le temps. Ici, ça rigole. Et à propos, où tu vas? Je cherche un coin tranquille. Pourquoi faire? Devine. Je veux jouir. Elle riait si fort que je me suis échappé. Sixième veillée. Il n'y a pas grand monde ce soir. Il pleut et il y a la grève. Madame la médium est là? Bien sûr. Nous ferions bien de commencer, on n'a pas toute la nuit devant nous. On y va? Le Ouija est prêt? Ouija ou pas Ouija? Comme vous voulez, Antoine. Il est dedans. Encore? Je n'y peux rien. On va commencer à se poser des questions. Il m'a surprise en train de bâiller. Bon, soit... Allons-y. Monsieur Flanders, pourriez-vous nous parler des agathopèdes? Des agathopèdes? Vous me faites rire. Comme je crois vous l'avoir dit, je suis devenu agathopède du jour au lendemain. Je m'étais lié d'amitié avec un jeune dandy anti-romantique. Il prétendait avoir été converti à l'antiromantisme après la bataille d'Hernani, bataille à laquelle je n'ai pas participé. Encore une fois, j'étais loin. Autant vous le dire, si vous cherchez un témoin du temps jadis, il vaut mieux vous adresser à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui s'oppose? Non, non, poursuivons l'entretien. J'ai traversé ce monde-là sans y prêter attention. J'ai toujours pratiqué l'art de la distraction éclairée. Et c'est peut-être ce qui m'a attiré la bienveillance des agathopèdes. Ils étaient anti-romantiques, comme vous le savez. Un soir, un voisin de table, prenant prétexte qu'on aurait offensé Pythagore, a giflé Arnim. Le duel était inévitable. Vite dit, vite fait. Le dîner fut suspendu entre la salade et le fromage. Arnim était un gymnaste accompli. Arrivé au premier sang lui prit 3 minutes. Nous poursuivîmes notre repas. Mais quelqu'un d'autre se présenta au moment des digestifs. Il avait entendu quelqu'un ricaner à notre table au moment où l'on portait un toast aux 10 ans de la bataille d'Hernani. Adelin releva le défi. Mais l'offensé voulait se battre avec tous. Il perdit tous les duels. Il a perdu, s'exclama Arnim. Il a perdu sans se plaindre. Il mérite d'être agathopède. Et voilà. Les duels se poursuivirent avec une telle joie, une telle énergie, que nous avons fini par oublier notre but principal. Les blagues. Nous ne parlions plus jamais des turpitudes du prophète, du traité de numismatique de Pythagore. Les duels. Rien que les duels, jusqu'au jour où l'inévitable finit par arriver. Qu'est-il arrivé? Le jour où il y a eu un mort. Qui? Moi-même, et qui d'autre? Septième veillée. Esprit, es-tu là? Je n'ai plus envie de répondre. Je les avais presque oubliés. Je flotte dans l'air chaud du salon qui sert de bureau au spirit. L'atmosphère est chargée de magnétisme animal. Je me sens bercé par ses soupirs. Ça fait comme des secousses, comme des turbulences. Finalement, je me fais engloutir par ma très chère médium. Et je peux voir la scène. Ils sont tous là. Hier, nous avions décidé de vous poser 2 questions. Quand et dans quelles circonstances êtes-vous mort? À quel type d'action agathopédique avez-vous participé? Pour finir, nous vous avons demandé de nous décrire minutieusement une aventure personnelle, vérifiable, et dont personne d'autre que vous n'aurait pu avoir connaissance. Vous voulez connaître les circonstances dans lesquelles j'ai trouvé la mort? Si je me souviens bien, je dois dire que le jour de ma mort fut particulièrement paisible. Paisible et même joyeux. Soleil parisien, air pur, température agréable. Levé de bonne heure, je suis sorti faire une promenade. J'ai pris la rue de Rivoli, que j'ai descendu jusqu'aux Tuileries. Je chantais un air assez collant. Je ne crois pas à l'amour. C'était Jenny Colomb qui l'avait mis à la mode, je crois bien. En m'entendant, les passants reprenaient l'air avec conviction. Et souvent, c'était toute la rue qui se mettait à chanter. C'était délicieux. Il y a quelque chose qui cloche. Notre ami a décidé de modifier le jour et les circonstances de sa mort. Il nous avait dit qu'il était mort en duel. Mais ça n'a pas de sens. Notre ami est en train de nous raconter le dernier jour de sa vie dans le monde qu'il s'est inventé. Il est pourtant clair comme de l'eau de roche que ce monde n'existe pas. C'est notre ami qui n'existe pas. Il n'a jamais existé. Pour moi, il existe. Et je suis bien placée pour le savoir. Il se peut qu'il possède une existence à part, quelque chose comme un seuil de vie. Comment ça? À côté du monde, je veux dire d'une autre? Je ne suis pas d'accord. Il possède plutôt une existence diffuse comme un personnage de roman. Je me demande même si notre sujet ne serait pas une pure invention de notre médium et de nous-mêmes. Et de nous-mêmes? Oui, mes amis, de nous-mêmes. Il a été créé par les moyens d'un processus transpersonnel. Nous sommes en train de véhiculer nos propres rêveries, inventions, caprices. Avouez que tout ce qu'il dit est passionnant. C'est tout simplement extraordinaire. Je dois avouer que l'idée de n'être qu'une invention de la médium a de quoi me laisser songeur. Je propose que notre ami revienne à ses souvenirs d'enfance. J'en suis resté à son séjour en Angleterre. J'adore les sœurs. J'aurais préféré qu'il nous raconte son retour à Paris au lendemain de sa mort annoncée. Je ne suis pas un conteur tout de même, mais c'est ma vie, ma propre vie. Et ce n'est pas ma faute si j'ai voulu échapper à ma mort. Ça s'appelle l'instinct. Racontez-nous votre voyage chez Fabrice. Ça, c'est une autre histoire. Une toute autre histoire. Voyons. Je prends un fiacre pour aller déjeuner avec Fabrice et sa fille. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Je n'arrive pas à la quitter des yeux. Et elle n'est pas insensible à mes regards. Je rêve. Je flotte. D'un coup, une espèce de panique me prend. Il devait y avoir quelqu'un dans les parages. J'en avais la sensation. Quelqu'un dont les yeux ne me quittaient pas. Mais quels yeux? Ça, c'était une autre histoire. Comment ça, une autre histoire? Arriva un vent chaud qui me fit revenir au présent. À quel présent? Je respirais à plein poumon. J'avais des poumons. J'étais à nouveau dans le présent. Mais c'était un présent, disons, subjonctif, affaibli par l'inquiétude, laquelle prenait dans mon cas particulier la forme d'une crise de nerfs. Dans cette sorte de tempête, on pouvait trouver de tout. Des clignotements, des feux d'artifice, des voix de castrats qui proclamaient « La vie est belle !» Puis des ronronnements félins qui disaient tout bas « C'est pas sûr !» Ensuite, des rires euphoriques entrecoupés de « Mais quelle importance !» Et vous n'avez pas eu l'idée de vous dire tout simplement « Peut-être que je suis mort ?» Non, arrêtez d'interrompre le sujet, continuons s'il vous plaît. Tout s'efface. Je suis à nouveau chez Fabrice, devant l'auberge. Voilà qu'un fiacre arrive, et un autre, ça n'arrêtait pas. Je me suis vu entouré de doubles. Ils me regardaient d'un regard méchant. Fabrice apparut, sorti de nulle part. Je n'en croyais pas mes yeux. Mes doubles étaient en train de muer leur visage. Ils devenaient, l'un après l'autre, des agathopèdes. Les ineffables agathopèdes. Je les avais conviés, et ils étaient venus, mes très chers convives de pierre. Et chacun avait son épée. Je n'avais plus d'excuses. Eh oui, cette fois vous n'y couperez pas. Le premier duel a commencé. Vite entamé, vite achevé. Premier sang. Le deuxième a été plus dur à terminer. Le troisième, le quatrième, le cinquième furent interminables. J'étais à bout de force. Avec combien d'agathopèdes ai-je pu faire des passes d'armes? J'ai cessé de compter. La nuit tombait. Un vent glacial se leva. Je continuais. Subitement, tout s'éclaira. C'était encore Fabrice, accompagné de trois domestiques apportant de nouvelles torches. Bon, on a trop donné. Il faut qu'on arrête. Fabrice avait préparé un dîner somptueux, digne d'une table de roi. Des carpes, des bécasses, un gigot d'agneau. Ça causa sans pitié. Le tac au tac pétillait avec une si rude euphorie qu'on aurait dit un cimetière chinois. La fête et le chagrin. Par miracle, il y eut un moment de silence. J'en profitais. Mes amis, mes très chers amis, on va tous mourir. On va tous mourir. Mais attention, après cette vie, il y aura une suite. Et ce sera une suite féroce, féroce et morne. Morne? Expliquez-vous. Ou bien nous serons dans la triste nécessité de recommencer les duels. Bon, qu'importe, je suis déjà mort. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y aurait une vie après la mort? Oui, chers amis, il y a une vie après la mort. Je suis bien placé pour le dire, car j'en viens. En ce moment même, je suis en train de raconter ce que vous êtes en train de vivre. Si vous êtes mort, comment se fait-il que nous puissions vous voir? Parce que vous êtes aussi mort que moi. Oui, mes amis, moi aussi. J'ai mis du temps à me rendre compte de notre situation. Et faites un effort et vous pourrez comme moi regarder en face courageusement cette bizarrerie extrême qui consiste à revivre pour de vrai notre passé. Notre ami a raison. Moi aussi, je suis en train de me rappeler cette situation. Moi aussi, je sais. Je sais pertinemment que cette situation n'a jamais eu lieu dans le passé. Je suis en train de l'inventer, de l'imaginer. Et par miracle, j'ai imaginé la même chose que notre ami Flanders. Moi aussi. Moi aussi, je viens de là-bas. En ce moment même, je me souviens. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Nous appartenons tous à la même écurie. Hey. Thank you. Je suis sous l'escalier à nouveau. J'entends les spirites qui descendent l'escalier. Ça cause. Des propos fervents et, comment dire, dithyrambiques. Oui, c'est le mot. Esprit. Es-tu là, mon cher esprit? Je te cherche. J'aimerais revenir sur votre enfance. Mais quelle enfance? J'ai tout dit. Je m'y perds au milieu de toutes ces vies que je me suis inventées. Parlez-moi de votre père. Mon père, l'horloger, il nous parlait du temps. Il disait, nous vivons dans l'avenir et nous passons notre vie à voyager vers un passé que nous sommes bien forcés d'inventer. Et dans ce voyage, nous traversons une région turbulente qu'on peut appeler le présent. Et à notre retour vers l'avenir, nous traversons à nouveau la zone turbulente du présent. Si bien que nous vivons à deux reprises, celle du voyage vers le passé et celle du retour. Vous me suivez? Je n'en suis pas sûre. D'après vous, nous vivons deux fois notre présent. Profitant de l'étonnement de la médium, je me suis précipité dans sa bouche. Plus exactement, notre présent est dédoublé. Mais à chaque aller et retour, nous modifions et le futur et le passé. C'est pourquoi le passé et l'avenir nous semblent toujours hypothétiques. Et la tempête, appelée par nous le présent, paradoxalement plus stable que la verte région du passé et les rouges territoires de l'avenir. Je suis un peu, en tant qu'horloger, le maître du temps. L'instabilité, à force de se répéter, d'insister, finit par s'installer, par se rendre visible. Elle assume sans fausse pudeur sa plausibilité. Nous voici face à la mer. Mais cette fausse réalité respire, scintille, elle palpite. Et maintenant, nous voici en train de monter un escalier humide comme un vieillard. Tout devient terriblement capricieux, instable. Et nous voici dans l'atelier du maître. Nous nous sommes regardés. Et c'était la première fois, je crois, que nous voyions pour de vrai. Tu vois, je me porte comme un charme. Je me porte mieux que tout le monde. Je suis le concepteur d'horloge le plus bouleversant de l'univers. Regardez ce débarras, ce magasin de bric-à-brac. Et vous dites, qu'est-ce que c'est que tout ce fourbi sans queue ni tête? Eh bien, méfiez-vous des apparences. Ces objets dont la désuétude vous chatouille, ce sont des horloges. C'est ici que je cherche à accorder les pulsations des choses du monde. Une fois cette tâche démentielle accomplie, on n'aura plus besoin de voyager dans le temps. Ce sera au tour des choses du monde de venir à vous. Mon père me regarde. Et j'ai comme l'impression qu'il ne me voit pas. Il est en train de me survoler comme un oiseau migrateur traversant l'océan. Un silence plombant fait sombrer nos corps pneumatiques et nous nous précipitons vertigineusement vers la mer unanime. Maintenant, je suis seul. Je flotte. Autour de moi, le ciel d'un bleu métallique acide respire pour moi. Qui voilà? Esprit, es-tu là? Pourquoi ces oiseaux surgissant des quatre coins du ciel? Manifeste-toi! Pourquoi tourne-t-il autour de moi? Et surtout, pourquoi proclame-t-il avec ma voix « J'arrive! J'arrive !» On dirait des feuilles de papier sur lesquelles on aurait plaqué mon image. Des visages volant à la fois un par un et tous en même temps. En réalité, ces visages, je les vois comme des totalités changeantes. Un tourbillon de têtes coupées, mes têtes, qui m'étouffent en se collant à la surface fragile de mon corps astral. Je suis à bout de souffle. « C'était L'esprit de l'escalier de Raoul Ruiz. Adaptation Françoise Dumas. Avec, par ordre de disparition, Edith Scobb, Quentin Bayot, Pierre Osda, Donatien Guillot, Julien Honoré, Marc-Henri Boisse, Julien Aluguette, Bruno Pavio, Guillaume Bourboulon, Jean-Luc Baron, Jean-Paul Faré, Xavier Xapla, Louis-Marie Audubert, Guy Lamarque, Catherine Jabot, Étienne Launay, Othello Vilgar, Justin Blancart, Juliette Navis, Adeline Chetaille, Corinne Martin, Michel Derville, Florent Houlier, Michel Baladi, Régis Chaussard, Pierre Casadei et Myriam Ajar, Claire Bouquet, Guillaume Potier, Anne-Sophie Picard. Bruitage, Patrick Martinache, conseillère littéraire, Caroline Oisana, équipe de réalisation, Manuel Couturier, Émilie Couette, Victoria Asper, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zande. L'esprit de l'escalier de Raoul Ruiz est paru aux éditions Fayard.